Ceux qui m'enfuient deviennent ceux qui m'enveulent. Ceux qui m'enveulent deviennent ceux qui m'enfuient. Plus je t'en donne, plus t'en veux. Fils de pute, je prends n'importe qui en fuite. Ils se demandent tous si j'ai connu la misère. À l'époque de l'école, personne n'en était larissé. J'étais en dessous de la grande échelle parisienne. Des frères endettés en été se fait faire baliser. Il est plus facile de porter les pierres que le fardeau d'empêcher sur son dos. Le libre arbitre peut apporter le pire. Le roi n'est jamais en paix même sur son pied. Ma femme est mécontente. Qu'est-ce que je fous toute la nuit, elle aimerait comprendre. Elle me dit que j'ai du mal à gérer mon temps. J'esquive les questions mais j'ai du répondant. Chaque fois que je fais dans le rap est comme une récompense. J'ai des lacunes et celle le fait de rapper qu'on pense. On fait en sorte de toujours assumer ce qu'on pense. Donc ne t'avise pas de menacer mon clan. Yeah yeah, je vois mes sauces dans le ciel. À qui on a gâché le potentiel. Pour eux on va transformer scènes ou en grosse enseigne. Fini de passer des journées à fumer l'hollandaise. Mes qualités n'auront jamais ce que mes défauts m'enseignent. Question de le mordre, question de se donner. Même question monnaie, la question ne peut pas se poser. Question suivante, question de se connaître. Les réponses sont des questions pour ça qu'faut pas s'en poser. Question d'honneur, ordre, question de se donner. Même question monnaie, la question ne peut pas se poser. Question suivante, question de se connaître. Les réponses sont des questions pour ça qu'faut pas s'en poser. C'est dur, la ceinture, entre nous, y a des sous. Tu l'ouvres, on te saigne. Question d'honneur. Fais pas de menace, t'en gardes mal, j'ai pas de masse. J'aime le rap de Pâques, c'est pas de nas. Pas de place, pour le faux rap, t'as besoin d'une thorax. Tu veux me barrer, on t'aura, allez tu me parles dans le thorax. On te pense à aller au large, donc on fonce. Réussis tu 15 comme Alphonse Areola. Tu prends un Alessandre, on a les armes. Faut pépard mais pas les traps. Les excuses, n'excuse pas les sacs. Nous on sait tu vite, tu cherches rien du tout. T'es comme celle des meufs, tu t'as que comme celle 18. T'as pas de départ, t'as trop d'humeur. T'as plus d'éclin de feu, ta voix est triste. J'ai pas de DA, pas de producteur. J'emprunte les chemins que je veux, ma voix est libre. Le peuple est endetté mais ceux qui gèrent les banques se font. Des couilles en or sur ta tête pendant que la banque se font. Éparpillés sur l'avenue, ça y est on y est parvenu. Bienvenue aux nouveaux venus, mais les groupies c'est parvenu. Tous ces clones écartelés, surtout quand ça parle de rap. Faut arracher le chromie des faux, chroniqueur télé. Ça vu l'atmosphère qu'on se prend. Obsédé par les morts, c'est comme si on parlait mort. Vu qu'on tape pour se faire comprendre. Sur l'amour tire un trait, je te fais pas de dessin. Mon cœur pas facile d'y rentrer, surtout quand va y aller zin. La vie un voyage compliqué, pourtant y a qu'un aller simple. C'est pas net, je me sens comme un humain sur la planète des singes. Question de le rendre, question de se donner. Même question monnaie, la question ne peut pas se poser. Question suivante, question de se connaître. Les réponses sont des questions pour ça qu'on va s'en poser. Question d'honneur, hors de question de se donner. Même question monnaie, la question ne peut pas se poser. Question suivante, question de se connaître. Les réponses sont des questions pour ça qu'on va s'en poser. Quand c'est dur, se serre. La ceinture, se serre. Entre nous, se serre. Y a des sous, se serre. Si tu l'ouvres, on te saigne. Question d'honneur.